بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاليوم بإذن الله سنأخذ ثلاثة أحاديث لأن الشروح قصيرة ولله الحمد سنأخذ الحديث 30 والحادي وثلاثين والثاني وثلاثين إن شاء الله. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, vu que les explications de Shaykh sont assez brèves, on va prendre trois hadiths. Le 30e, le 31e et le 32e. Ils sont assez courts. L'explication prend une page et demie ou deux pages. J'ai même voulu rajouter un quatrième, mais j'ai fait Rahmatan Lakum. Je vais pas trop non plus en mettre. Je voulais mettre un quatrième, mais par miséricorde pour vous, Inch'Allah, j'ai pas voulu trop alourdir la chose. Afin que les hadiths également soient bien assimilés. Mais ceux qui viennent aujourd'hui sont courts. Et également, ils ont tous quelque chose à redire au point de vue de la chaîne de transmission. Mais leur sens, hein, leur sens est thabit. Leur sens est correct et ils regroupent, ils se basent sur plusieurs fondements réels, appuyés par d'autres preuves du livre de la Sunna. Tayyib. Al-Hadith al-Thalathun, le 30e hadith, qui lui concerne le fait de ne pas enfreindre et violer les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'appliquer ses obligations et de délaisser ses interdictions. Et ces hadiths également ont été résumés de façon expliqués de façon résumée du fait qu'ils ont été déjà les sujets ont déjà été cités dans d'autres hadiths au début du livre. Donc les sens se rejoignent. Les sens se rejoignent. Donc Inch'Allah, il n'y a pas lieu de s'attarder dessus. Naam. D'accord. حدثني أو حد طيب حديث أبي ثعلبة جرثوم بن ناشير الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. Donc il dit, sans avoir cité la chaîne de narration, il dit que c'est le hadith de Abu Sa'laba Jurthum Nunashir al-Khushani radiallahu anhu, qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah a imposé ou établi des obligations, alors ne les perdez pas. Que Allah subhanahu wa ta'ala a fixé des limites, alors ne les enfreignez pas. Et qu'il a interdit des choses, alors ne les violez pas. Et sais-tu sur certaines choses par miséricorde pour vous et non par oubli, alors ne le recherchez pas. Ne recherchez pas ces choses sur lesquelles il n'y a pas eu de texte, il n'y a pas eu de jugement. Le Shir dit, après avoir fait un certain commentaire par rapport à la chaîne de narration du hadith qui est venue de plusieurs voix, le tout est que ce hadith n'est pas authentique, remontant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans certaines voix, il y a certains sont rapportés avec un irsel. On a dit que l'irsel, c'est lorsque le tabiri rapporte directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et également, il est venu d'autres voies où il y a une coupure, une interruption entre le sahabi et celui qui rapporte de lui, car il ne l'a pas rencontré, n'a pas entendu de lui. Donc il y a une personne manquante. Et également, dans notre chaîne de narration, il y a des personnes qui ont été délaissées du fait que soit ils ont été rendus, considérés comme étant des menteurs ou autres. Naam. Donc là, je ne sais pas s'il manque une parole, car le shir rentre directement en ce qui concerne As-sukut, le silence par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il dit wa sakata an ashiya rahmatan bikum ghayr nisyanin, et qu'il s'étue sur des choses pas miséricordes pour vous et non par oubli. Donc le shir dit hafizallahu ta'ala, c'est ce qui apparaît dans le texte. Il dit, après avoir sauté le paragraphe où il parle de la chaîne de narration, il passe directement à ce qui concerne un sifat. Est-ce qu'il y a un manque dans le livre? Je ne sais pas, mais là je vais lire comme c'est devant moi. Il dit, lakin shaykh al-islam, rahimallahu ta'ala, yuthbitu hadi al-sifa. Wa yakulu, thabatat bi sunnati wa ijma' al-zahir ala majmu'a di al-ahadith allati hiya du'af. وإنما جاء موقوفا عن ابن عباس بالإجماع. Donc il dit que Cheikh al-Islam, rahmatullah alayhi, affirme cet attribut qui est le fait le sukut, le silence. Il dit qu'il était affirmé par la sunna et l'unanimité, le consensus, l'ijma, en se basant sur le côté apparent de tous les hadiths, bien qu'ils soient faibles, ils sont venus appuyer celui-ci. Et il dit que cela, innama ja'a mawqufan 'ala Ibn Abbas bil ijma', et que cela n'est venu par contre que par Ibn Abbas avec l'unanimité. C'est-à-dire la parole wa ma sakata 'anhu fa huwa 'afuhun. Dans une autre version, là dans la version du hadith qu'on a, il dit wa sakata 'an ashiya rahmatan bikum ghayr nisyan, qui s'étudie sur des choses par miséricorde pour vous, et non par oubli. Et dans une version Moukouf Ibn Abbas, authentiquement, qui revient à lui, il dit, et que tout ce massacre à Anhu, faut avoir faux, que ce sur quoi il s'étudie, alors cela, est par, faut avoir faux, c'est une chose qu'il pardonne, une chose qu'il absout. يعني يقول اجمعوا على هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. Donc il dit qu'il y a unanimité sur cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. Et cela se basant sur le verset qui lui est une règle fondamentale chez les gens de la sunna par rapport au nom et attribut d'Allah, qui est dans le sens relatif et rapproché, il n'y a rien qui lui est comme lui, et il est l'audient et le clairvoyant. Par rapport au fait au soukout, le silence. Wabardoum, la shir Yahya reprend en disant Wabardoum, du fossilou, Wayakoulou, el maksoudou, masakata anhu, min el arken, lahen mutlok, el kalem. Fainallah, yatakalemu, wala yazelu, yatakalemu, matasha. Kale ta'ala, waman asdakou min Allah haditha. Wakale, in ahadun min el mushrikin astajaraka, fa ajiru hata yasma'a kalam Allah. Donc il dit, certains par contre, c'est-à-dire maintenant, comment est-ce qu'ils ont, interprété cet attribut du silence? Lui, il dit que certains disent, et ça c'est aussi l'avis de Cheikh Salah al-Sheikh, quand je dis dans l'explication ce qu'il dit lui. Lui, certains ne voient pas que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala se taise, au sens propre du terme. Ce qu'il veut dire par là, c'est le fait de se taire sur une chose, c'est-à-dire ne pas en parler. Comme par exemple, moi je te dis, tel sujet, je n'en parle pas. Je m'abstiens d'en parler. Est-ce que cela veut dire que je suis muet ou que je ne parle pas? Non. Mais par rapport à ce sujet-là, je ne veux pas en parler pour ne pas qu'il en découle certaines choses. Hein, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, eux, ils n'ont pas renié le fait que Allah puisse se taire. Mais il voit que le fait là, le sens voulu, c'est le fait de ne pas évoquer des choses. De ne pas évoquer des choses par miséricorde pour nous ou par pardon. Et non pas le fait de se taire au sens propre du terme. Donc là, il y a deux façons de voir. Certains qui voient le sens apparent, hein, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala peut ne pas parler. Et d'autres disent non, dans ce hadith là, le sens voulu, c'est que il ne parle pas sur certaines choses en particulier par miséricorde pour nous. Et ces choses-là sont un pardon pour nous. Car, comme il dit, Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses attributs, le fait qu'il parle. D'accord ? Al-Kalem, au sens propre du terme. Et que c'est un attribut qu'il a toujours eu. Et qu'il parle comme il veut, quand il veut. D'accord ? Comme il veut et quand il veut. Donc là, le khilaf, il est passé sur quoi ? Cheikh Al-Othaymeen, lui, voit que alors, le sens là du soukout, du silence, lui, il implique la parole. C'est-à-dire le fait d'affirmer à la subhanahu wa ta'ala le silence, cela implique son contraire, c'est-à-dire qu'il parle. Si quelqu'un se tait, cela veut dire qu'il parle. D'accord ? Si on dit que quelqu'un, il se tait, c'est-à-dire qu'à la base, il parle. Sinon, il n'y a pas de sens de... C'est comme si demain, tu dis à, par exemple, une personne, tu dis « il est muet ». Tu ne vas pas dire « lui, il est muet, il se tait ». Non, à la base, il est muet, il ne parle pas. Donc, il n'a pas besoin de dire qu'il se tait. Mais quand tu dis « Fulham se tait », c'est qu'à la base, il parle. Donc, Cheikh Al-Othaymeen, rahmatullah alayh, il voit que le fait d'affirmer cet attribut de silence, c'est une preuve qui implique le kalem, d'une part. Donc, lui, il voit que le silence, au sens propre du terme. Et d'autres voient non, qu'il y a une interprétation. Et là, ce n'est pas du tahrif. Ce qu'ils font là, c'est justifié, car ils se basent sur le côté apparent du hadith. Hein. Sakata an ashia, ils se tuent sur des choses. Ils n'ont pas dit sakata bil kulliya. Donc là, c'est un sujet sur lequel il y a divergence. Le silence est affirmé, mais comment le comprendre ? C'est ça, en fait, le problème. Comment le comprendre ? Non. Donc, parmi les versets qui démontrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle, il y a sa parole dans le sens où il dit, et qui est plus véridique qu'Allah ? En parole. Hein ? Et il dit également, et si l'un des, dans le sens, si l'un des mouchriquin vient chercher refuge, alors héberge-le, abrite-le, jusqu'à ce qu'il puisse entendre la parole d'Allah. Donc là, le shahid, c'est Hatesma'a kalamallah, pour qu'il puisse entendre la parole d'Allah. Et d'autres hadiths sont venus, et d'autres preuves viennent que Allah, hein, la parole fait partie de ses attributs. Non. وهذا الحديث له أصل في القرآن والسنة الصحيحة مثل قوله تعالى كل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. Donc il dit que ce hadith, lui, a un fondement basé dans le livre et la sunna authentique. C'est-à-dire le hadith, comme on l'a dit, le sens est véridique. Parmi ces exemples-là, de l'épreuve dans le Coran, à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit, dans le sens, et je ne vous demande aucun salaire, et je ne suis pas du nombre des imposteurs. C'est-à-dire pour retransmettre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le hadith, que nous avons déjà appelé au début du durus, lorsqu'il dit Manahaitukum anhu fashtani buhu. وَمَعْبَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ. Donc le hadith que nous avons déjà pris au début, lorsqu'il dit, de Abu Huraira, lorsque le prophète Mohammed s.a.w. a dit, ce que je vous interdis, alors évitez-le. Et ce que je vous ordonne, alors accomplissez-le en mesure de vos capacités. Et que cela avant vous n'ont péri que pour cause de leur grand nombre de questions et pour leur divergence avec leur prophète. Donc là, ça revient à ce hadith, qui est le fait d'obéir, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il retransmet, c'est la révélation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il interdit et ce qu'il ordonne, c'est révélation. Et également, le fait de poser trop de questions par rapport à la révélation. Donc là, cela revient à la partie du hadith où il dit « وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاهَ رَحْمَةً بِكُمْ غَلَدِسِيَنْ فَلَا تَفَسُوَنْهَا » qui se tue sur des choses par miséricorde pour vous, et non par oubli, alors ne le cherchez pas. C'est-à-dire, ne posez pas cette question sur les choses qui ne vous ont pas été révélées. Laissez-les venir en temps et en heure. Comme il dit par la suite, le shir pour son disant. Wallahu azza wa jal yaqulu ya ayyuha alladhina amanu la tas'alu an ashiya in tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzil al-Qur'an tubda lakum wa fallahu anha wallahu ghafurun halim. Donc, dans le sens, oh les croyants, ne posez pas de questions sur des choses, si elles vous étaient divulguées, elles vous mécontenteraient. Et si vous posez des questions à leur sujet, quand le Coran est révélé, elles vous seraient divulguées. Allah vous a pardonné, et Allah est pardonneur et indulgent. Donc ce verset également avait déjà été cité dans ce même hadith, qui vient également appuyer le hadith que nous prenons aujourd'hui. Également, il dit dans le hadith wa kariha lakum qil wa qal wa kathratu as-su'al wa ida'atu al-mal. Il dit qu'il a détesté pour vous les paroles vaines, le qil wa qal, le fait de parler vainement, ainsi que la multitude de questions et le gaspillage d'argent. Et tout ça est déjà passé. C'est pour ça que le shir, là, il était assez bref. Tout cela, ni paragraphe par paragraphe, a déjà été cité auparavant. Et il dit wa adilat min al-Qur'an wa sunnah kathira, que les preuves sur cela sont très nombreuses. Donc le khurasa, par rapport à ce hadith, qui à la base, lui, le hadith en lui-même, il est faible. D'accord ? On a dit qu'il est faible. Le sens est correct. Que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu des choses obligatoires, qu'il faut accomplir. Et qu'il a mis des limites qu'il ne faut pas dépasser. Qu'il a interdit des choses qu'il ne faut pas violer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas enfreindre son ordre. Et des choses sur lesquelles, hein, il n'a pas parlé par miséricorde pour nous et non par oubli. Donc les choses sur lesquelles il n'y a pas le texte apparent ou par déduction, car il y a plusieurs règles, comme mafhum, al-mukhalafa, ou mafhum, al-muwafaqa, d'autres règles qui viennent sur le fiqh, qui viennent des fois à déduire une preuve, hein, par un hadith, on arrive à déduire d'autres preuves, bien qu'on n'a pas de texte qui implique cette interdiction. Et le qiyas aussi, plein de choses comme ça. Dès que tout cela sort du cercle de ces déductions, qu'on n'a plus rien de clair, alors, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu en parler, que ça reste une chose permise. Et qui n'a pas lieu d'aller chercher et enquêter dessus. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala se situe dessus par miséricorde pour nous et non par oubli. Ce n'est pas un oubli. Hein? Car Allah subhanahu wa ta'ala a déjà nié de lui-même l'oubli. Car l'oubli est une sifat, est un attribut de faiblesse, le fait d'oublier. C'est une chose qui n'en vient qu'à la créature. Allah subhanahu wa ta'ala, on m'a kana rabbuka nasiya, hein? Et que ton Seigneur n'oublie pas. L'oubli est une chose qui ne revient pas, qui n'est pas parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il est parfait dans ses non-attributs, et l'oubli est un attribut de faiblesse. Naam. Tayyib. Ensuite, al-hadithu al-hadi wa salathun. Le 31e hadith. À savoir que les autres ulama, les autres choulours que j'ai lus, hein, ils sont plus attardés sur le hadith. Toujours est-il que là, il n'y a pas tellement lieu d'être. Pourquoi ? Car cela amènera à répéter ce qui a déjà été dit auparavant. Car le hadith, en son sens, rejoint d'autres hadiths que nous avons déjà expliqués. Ou alhamdoulilah. Naam. Et le hadith, le sens en lui-même, il est clair. Naam. Certains, ils ont juste un peu plus développé par rapport au mot had. Quand il dit وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا, qu'il a fixé des limites, alors ne les enfreignez pas. Qu'est-ce qu'il veut dire par had ? Ils interprètent le mot had, les plusieurs sens qui peuvent venir par had. Ils ont aussi voulu faire un tafsil entre le fard et le wajib. Le mot fard, hein, et le mot wajib, parce qu'il y a une différence, bien qu'il y ait trois paroles, certains qui disent que le fard est plus fort que le wajib, d'autres qui disent que le fard, c'est ce qui est dans le Coran et pas dans la sunna, et le wajib, c'est ce qui est venu dans la sunna, et d'autres qui disent que c'est le même sens. Et la parole la plus authentique, c'est que c'est le même sens. Fard et wajib, tous les deux reviennent à l'obligation. Naam. Ça y est. Donc le 31e hadith. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبيدة ابن أبي سفر حدثنا شهاب ابن عباد حدثنا خالد بن عمرو الكرشي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. Donc le hadith rapporté par Ibn Majah selon Sa'd Usel ibn Sa'd al-Sa'idi, qu'un homme vint auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, démontre-moi une œuvre que si jamais je l'accomplis, Allah m'aimera et les gens m'aimeront. Il dit, délaisse ce bas monde, c'est-à-dire les biens de ce bas monde, Allah t'aimera. Et délaisse les biens des gens, ce qui est dans les mains des gens, et les gens t'aimeront. Ce hadith, il y a une divergence dessus. Et le chien le voit qu'il n'est pas authentique, qu'il est faible, et d'autres l'ont rendu hassan. Bon. Quoi qu'il en soit, toujours est-il que le sens du hadith, lui, est authentique et également se base sur d'autres preuves du kitab de la sunna. Donc de là, Inch'Allah, la abbas bisharhihi. Car si le hadith était maudour, da'if jiddan, car ce sont les hadiths qui sont délaissés dans leur totalité, le maudour c'est celui qui a inventé, qui n'a aucun fondement, et le da'if, celui qui est faible, da'if jiddan, qui est très très faible, et également qui n'a pas de fondement, ou le munkar, celui qui contredit d'autres preuves claires, ceux-là, ces hadiths-là, il n'y a même pas lieu de les expliquer. Mais ceux-là, là, même s'ils ont une faiblesse, le sens est correct, et ils s'appuient par d'autres preuves. Donc, il est légiféré de pouvoir se servir comme preuve, hein, dans différents sujets. Sans quoi le shir Yahya, qui est un muhadith lui-même, n'aura même pas pris le temps de l'expliquer. Voyez. Donc il dit, Az-zuhd fi dunya miftahu al-khayr. Wa la tajid zahidan fi dunya illa wa 'indahu muqaddimat khayr. Wa bu'd 'an at-tahaluk 'an ad-dunya. Donc il dit le zuhd, c'est ce qu'on appelle nous en français l'ascétisme. Et Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a donné l'une des meilleures définitions qui est az-zuhd wa at-tarku min ad-dunya ma yanfa'u fi al-akhirah. C'est le fait de délaisser des choses permises de ce bas monde qui ne serviront à rien pour l'au-delà. C'est ça, mana, la meilleure définition donnée. D'autres ont été faites, mais les deux meilleures, c'est celle-ci. Et non pas comme le prétendent certaines personnes, qui est le fait de tout délaisser. Hein, le fait de vivre comme un ermite, avec des vêtements, avec des quenouilles, comme on dit, des vêtements délabrés, déchirés, hein, se nourrir mal, ou je ne sais quoi, ce n'est pas ça l'ascétisme. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était Azhad al-Nas, qui était l'homme le plus, qui avait plus de zuhd, ne vivait pas comme ça. Il s'habillait bien, correctement, mettait du parfum, il mangeait des bonnes nourritures lorsque l'occasion se présentait, il se mariait avec les femmes, ainsi de suite. Il aimait les chevaux, il aimait le parfum, et quand même quand il était à Allah, « Wala tansa nasibaka min ad-dunya » Et n'oublie pas ta part de ce bas monde. Donc attention à l'extrême que l'on pourrait croire du mot ascétisme. Car la religion est une religion de juste milieu. L'ascétisme en religion, c'est le fait de délaisser les choses de ce bas monde permises qui n'apporteront aucun profit pour l'au-delà. Mais si celles-ci hein, ont des profits à porter, on les utilise. Il n'y a pas de problème. Cela est permis. D'accord ? Cela est permis. Même des fois, cela peut être obligatoire. Donc le zord en ce bas monde est une clé vers le bien. Et tu ne trouveras pas une personne qui fasse preuve de zuhd, un zahid, qu'on dirait un asset, dans ce bas monde, sans qu'il ait, c'est-à-dire qu'il s'avance vers le bien et qu'il s'éloigne de la ruée vers les biens de ce bas monde. Wallahu azza wa jal yaqul, kalla inna l'insana la tara an ra'u sta'na. Il dit que non, dans le sens. L'homme devient certes rebelle lorsqu'il voit qui se suffit à lui-même. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala innal insana khuliqa halu'a wa idha massahu ash-shar jazu'a wa idha massahu al-khayr manu'a illa al-musallin. Il dit certes, l'homme a été créé instable, anxieux, inquiet, dans le sens. Et que si le mal le touche, alors il devient abattu. Et que si le bien le touche, alors il devient un grand refuseur. Hormis ceux qui font la salat. Hormis ceux qui font la salat. فَدَلَّ هَذَا عَلَى النَّزُّهْدِ وَعَدَمَ الْحَلَعْ يَكُنْ فِي خَيْرِ. Donc cela démontre que le zuhd, l'ascétisme, et le fait de ne pas être inquiet par rapport à la situation mondaine, cela contient du bien. وَنَ الْحَلَعْ وَالْتَهَالُكَ لَدُّنْيَا يَكُنُ فِي الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ وَالْكَفَرَ قَالَ تَعَالَى وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَتْ أَيْدِيهِمْ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. Donc il dit que le fait d'être anxieux, d'avoir peur pour ce bas monde, dans ce bas monde, hein, de la pauvreté, ce genre de choses, de toujours, être inquiet, ou de le fait de se ruer vers les richesses de ce baron, cela est présent chez les juifs, et chez les chrétiens, et les mécréants dans leur ensemble. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens, les juifs ont dit, les mains d'Allah sont fermées. Donc de là, leurs mains elles-mêmes ont été fermées. Et maudits sont-ils pour ce qu'ils ont dit. Pourquoi ils ont dit cela? Car eux, ils veulent des richesses. Et il faut qu'ils obtiennent leurs richesses d'eux-mêmes. Et que cela ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, il dit dans le sens, en parlant des juifs, et tu les trouveras certes, les gens les plus accrochés à ce bas monde, parmi les gens qui ont associé. Et l'un d'entre eux aimerait vivre 1000 ans. C'est-à-dire qu'ils veulent être riches et vivre longtemps. Donc les juifs, ce sont eux qui ont les mains fermées. Et cela est connu que les juifs sont des gens radins. Même chez les koufars, c'est connu, souvent l'expression qu'ils disent, t'es radin comme un juif. Ça c'est connu, ça a été dit, et c'est une chose qui est vraie. Hein, même avant l'islam, on le disait. Mais on le disait quoi? Peut-être pas par croyance, on le disait par habitude. Hein, mais là, aujourd'hui, en islam, on se rend compte vraiment que c'est réalité. Les juifs sont vraiment des gens avares. Et les textes l'appuient. C'est là depuis longtemps. Donc là, on déduit quoi? Que le fait de se ruer vers le bien de ce bas monde et d'être inquiet tout le temps, anxieux, quant au fait de devenir riche et ce genre de choses, cela sont des caractères, des traits propres aux koufars. Et celui qui a cela en lui parmi les gens de l'islam tombera dans une ressemblance avec eux. Car le muslim, yatawakkal à Allah, il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que son risque qu'il a écrit et qu'il n'écoutera pas ce bas monde sans avoir pris tout ce qui lui a été prescrit, prédestiné. C'est sûr qu'on ne sait pas ce qui se passera demain. Quoi qu'il en soit, il n'arrivera que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà prédestiné pour toi. Donc l'anxiété ou le fait de se jeter, de se ruer au point de tomber dans les interdictions, cela n'a pas lieu d'être. Tamam. Wa qawluhu, là il y a bien un hadith, izahid fima inda an-nas yuhibbuka an-nas. Donc il dit, délaisse ce qu'il y a dans les mains des gens, et les gens t'aimeront. من حيث أن الإنسان إذا رأى منه الناس التجافي عما في أيديهم والعفة عما عندهم والقناعة عما هو لهم يحترمونه يقدرونه وصدق المنذر إذ يقول عند هذا الحديث عليه لمح النبوة يعني تابع النبوة أن من تعفف عما في أيدي الناس أكرمه والناس يبعدون من يأخذ أموالهم إما بترصص وإما باحتيال واختلاس وإما بالسرقة وإما يرونه متهالكا للدنيا وينقص في عيونهم والذي يغض بصره عن محارم الناس يحترمونه يقولون هذا غفيف هذا شريف ما هو إنسان دنس كل ساعة ينظر في باب وفي زوايا وفي نافذة لمحارم الناس لمحارم الناس. Donc il dit, dans le sens, que les gens, lorsqu'ils voient qu'une personne se détourne de ce qu'il possède, et qu'il se suffit à lui-même, qu'il ne leur demande rien, et qu'il est satisfait de ce qu'il possède lui-même, d'accord? Alors il le respecte. Hein? Et il l'élève en rang. Et le Munzari a dit une parole véridique lorsqu'il dit que, par rapport à ce hadith, que ce hadith est un aperçu prophétique, c'est-à-dire un naturel prophétique, que parmi le comportement prophétique à suivre, que celui qui délaisse ce qu'il y a dans les mains des gens, leurs biens, leurs richesses, les gens vont l'honorer, les gens l'honoreront. Car les gens détestent celui qui prend de leurs biens. Et cela, qu'il s'agisse de vol, ou qu'il le soutire par différents moyens, par la triche et la tromperie, l'escroquerie, ou qu'il voit cette personne-là comme étant une personne qui se rue sur les richesses de ce bas monde. Donc lui, son rang est réduit aux yeux des gens. D'accord? Son rang est réduit aux yeux des gens. Il ne voit pas noble et élevé. Quant à celui qui délaisse cela et s'en détourne, il est respecté. Il obtient le respect des gens. Ils disent, celui-là est une personne qui se suffit. Une personne qui a de la retenue. Une personne noble. Hein? Ce n'est pas une personne intéressée. Hein? Ce n'est pas un intéressé ou un opportuniste. Comme ceux qui, à chaque heure, regarde ce qui se passe chez les gens par la fenêtre afin de voir ce que les gens possèdent, en train de guetter. Donc il dit, là il dit, les maharim nas, mais je ne sais pas si quand il dit maharim, il parle de, des femmes, ou maharim, les choses qui sont haram pour les gens, c'est-à-dire les choses qui leur sont sacrées, qu'ils n'aiment pas qu'on touche. Là je ne sais pas le sens qu'il a voulu dire par là, mais ce qui apparaît, on dirait qu'il parlait plutôt des biens, hein, qu'il parle, qu'il fait allusion aux biens des gens. وَالْزُوَدْ فِي الدُّنْيَا وَشَنُ الْأَنْبِيَا وَشَنُ الصَّالِحِينَ وَانْذُرُوا دَعْوَةَ أَلِ السُّنَّةِ يَسْدُقُ عَلِهَا قُولُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ مَا أَسَلُكُمْ عَلِهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقُولُهُ كُلْ مَا سَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ. Donc il dit que l'ascétisme, le zuhd, en ce bas monde, cela fait partie des traits, hein, tel est le cas des prophètes, également des gens pieux et vertueux. Regarde par exemple à la darwa des gens de la sunna, cette darwa sur laquelle s'applique véritablement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit dans le sens, et je ne vous demande aucun salaire, certes mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Et sa parole, dans le sens où il dit, je ne vous demande aucun salaire, ou rien de ce qui vous appartienne. Donc là on voit que les gens de la sunna, cela est connu, se basant sur ses preuves, qui ne demandent rien aux gens, pas de demande de dons, pas de récolte, pas de quête, et pas de ceci, pas de cela. Cela n'est pas parmi, ne fait pas partie de la voie des prophètes, ni des gens pieux, c'est-à-dire des salafs, tout particulièrement des salafs. Les gens de la sunna sont des gens qui ont de la retenue. Il y a des cas de daroura, des fois on sait que c'est permis de demander, il y a des cas extrêmes, cela est permis, des preuves sont venues. En dehors de cela, il n'y a pas lieu de demander aux gens de leur bien, ni pour la darwa, ni pour rien du tout. Al-sunnati ma'hum hawla dunya an-nas innama hum hawla naf' an-nas wal fadl fi al-lay wa fadl fi dhalika lillah wal ladhina yaquluna ha'ula takawka'un wallahi ma hum ma huwa li taqlib lil haqa'iq minhum wa ilayhim yaruna al-sunnah ghayr mu'tazili al-mujtama' wa innama al-sunnah hum afqahu an-nas fi al-mujtama' wa yad'una an-nas lima ya'maluna لما يعلمون عفوا لما يعلمون ما في ذلك من أجر عند الله وقد نفع الله بدعوتهم وأقبل بقلوب العباد عليهم فيما عندهم من الصدق نحسبهم والله حسيبهم والأمر كما يقول الله تعالى وإن يكو كاذبا فعلي كذبه وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. Donc il dit que les gens de la sunna ne sont pas autour de la dunya des gens. Ils n'ont que faire des biens des gens. Ils sont juste là pour porter profit aux gens, c'est-à-dire dans leur religion. Et la grâce en cela ne revient qu'à Allah seul. Quant à ceux qui disent que les gens de la sunna sont des gens qui vivent dans une bulle, dans une matrice, ils vivent dans leur monde, comme on dit, cela n'est qu'un retournement des réalités. Car en réalité, on voit bien que les gens de la sunna ne sont pas des gens qui s'isolent de la société, au sens propre du terme. Cependant, les gens de la sunna sont des gens qui ont le plus de compréhension dans ce qui se passe autour d'eux, hein, dans la société des gens. Ils appellent les gens lorsqu'ils savent, vous voyez, ils appellent les gens de ce qu'ils savent qu'ils en tireront récompense pour Allah subhanahu wa ta'ala, de ce qui sera profitable pour les gens. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà élevé, hein, a déjà beaucoup fait apporter des profits à la communauté par leur darwa, que les gens, les cœurs ont été tournés vers eux, les cœurs des serviteurs ont été tournés vers eux, pour ce qu'ils ont comme véracité, tel que nous le pensons, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les connaît mieux et auprès de qui ils rendront des comptes. C'est-à-dire les gens de la sunna de façon générale. Et la situation est telle que Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, dans le sens, il dit, c'est-à-dire par rapport aux gens de la sunna, lorsqu'il dit, et si jamais, là c'était l'homme de la famille de Pharaon qui cachait sa foi, et qui défendait Moussa a.s. lorsque le fils venait pour avertir le Pharaon du mal qui planait autour de lui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si jamais c'est un menteur, alors son mensonge se retourna contre lui. Et que si jamais il est véridique, alors vous serez atteint par une partie de ce qu'il vous a averti. C'est-à-dire que les gens de la sunna, si demain ils mentent, si vraiment ils sont des menteurs, alors leurs mensonges ne vous nuiront rien. Mais que si jamais ils sont véridiques, alors craignez ce dont quoi ils vous avertissent. Lorsqu'on vous dit, crains Allah, ne fais pas ça, car tu es telle ou telle chose, s'il est véridique, on craint pour toi que cette chose ne t'atteigne. Ça, mimbab al-nasiha. Les gens de la Sunna me peuvent nasiha. Et ce hadith, comme dit Cheikh Othaymine, est une preuve qui démontre que il n'y a pas de mal, hein, à vouloir obtenir l'agrément des gens, comme le prophète hadith. Tant que cela n'amène pas à commettre des transgressions et à faire des concessions aux religions. Obtenir l'agrément. Il n'y a aucune personne qui pourra dire qui n'aime pas être, du moins, être apprécié auprès des gens. Cela n'existe pas. Sans quoi, d'où est l'intérêt d'avoir un bon comportement? Premièrement, c'est par obéissance pour Allah. Et deuxièmement, c'est pouvoir gagner le cœur des gens pour les attirer vers l'islam. Et comment gagner le cœur des gens, si ce n'est en obtenant leur amour. Mais de façon légiférée, bien entendu. Et également, ce hadith est une preuve qui affirme le mahabba, l'amour, que cela est parmi les sifats d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les attributs, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime. Hein? Yuhibbakallah, que Allah t'aimera. Si tu les laisses, il y a dans ce bas monde, Allah t'aimera. Et si tu laisses ce qu'il y a dans les mains des gens, les gens t'aimeront. Pas même. Donc là, on va prendre le troisième hadith pour achever ce cours. Donc il dit, al-hadith, al-thani wa salasun. 32e hadith. Qala l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, hadathana Yahya an Malik, an Amr ibn Yahya, al-Mazini, an Abihi, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala, la darar wa la dirara. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit selon le père de Amr ibn Yahya, al-Mazini, qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pas de tort ni de nuisance causée à soi-même ou aux autres, volontairement ou involontairement. D'accord ? Ne pas nuire aux gens. Cela reviendra à ce sens. Donc ensuite, le Shir, en démontrant pareil, parle au-dessus de, autour de la chaîne de narration de ce hadith, l'isnad, que c'est un hadith qui est mursal également. Mais ce hadith, bien entendu, est également basé sur des preuves du kitab de la sunna, qui affirme son sens. Qui affirme son sens, que son sens est authentique et réel. Donc il dit... ومع ما في الباب من الأدلة عن النهي في الضرار يحسن الحديث. Donc il dit, avec toutes les preuves qu'il y a quant au fait de délaisser les nuisances et les dommages, cela leur rend le hadith bon. ويعتبر قاعدة من القواعد, et qu'il devient une règle parmi les règles de la religion, à prendre en considération. وجمهور أهل العلم على تحسين هذا الحديث واستدلال به كأبي داود والإمام مالك مع أنه أخرجه مرسلا في موطئه كما رأيت وقد احتج به في كتاب المكاتب. طيب, donc il dit, cependant, avec toutes les preuves qui viennent autour de l'interdiction des nuisances à causer, nous l'avons dit, طيب, que le hadith devient bon. Et l'ensemble des gens de science, ce n'est pas l'unanimité, mais l'ensemble, Jumhur, c'est la plus grande partie d'entre eux, voit que ce hadith est hassan, et qui peut être pris comme preuve dans son chapitre. Comme le dit l'imam Abu Daoud, l'imam Malik, bien qu'il est sorti comme étant mursel dans son muwatta, mais qu'il est pris comme preuve dans son livre qui est Makati. C'est-à-dire les savants, dans l'ensemble, voient que le hadith peut être jugé comme étant hassan. Bon. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فلا بأس بالاستدلال بهذا الحديث لأنه بمجموع طرقه يصل للاحتجاج. Donc il dit, il n'y a pas de mal à prendre ce hadith comme preuve, car avec toutes les voies, d'autres voies qui le rapportent, hein, il devient un argument. وربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تضاروهن ولا تضيقوا عليهن. Donc Allah dans le sens, il dit, par rapport aux hommes, par rapport aux femmes, qu'ils divorcent ou qu'ils délaissent, ne leur portez pas de nuisance ni de dommage. فَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْحَدِيثِ لَوْ أَصْلٌ يُؤَيِّدُهُ فِي الْقُرْآنِ وَالسُنَّةِ. Donc il dit, cela démontre que ce hadith, hein, a une base, un fondement, une origine, appuyée par le Coran et la Sunna. Car le verset cité, bien qu'il vise en cela de façon principe, spécifique les femmes, il peut être employé de façon générale également. Comme un code kulna, al-ibara, bi'umum al-lov, wala bi'khusus al-sabab. Que ce qui est à prendre en considération, c'est les termes employés et non la cause pour laquelle le verset descendu en lui-même. Wa kada hadith, Allahumma man walla min amri ummati shay'an fa shaqqa alayhim fa shkuk alayhi. Wa man walla min amri ummati shay'an farafak bihim farfik bih. Et ce hadith, on l'a déjà pris, où il dit, oh Allah, celui qui aura obtenu pouvoir, autorité sur ma communauté, et leur complique la tâche, l'existence, on va dire plutôt, leur complique l'existence, alors complique la tâche. Hein, complique la tâche. Et celui qui a obtenu le pouvoir sur ma communauté, et leur simplifie la vie, et est doux avec eux, alors soit doux envers lui. Fal hadith ou thabitun walaou min ashawahid. Donc il dit, وَقُولُهُ لَا دَرَارَ, pas de nuisance. Hey, لَا دَرَارَ يُنْفَذُ وَهَذَا كَمَا سَمِيَتَ قَاعِدَةً فَإِذَا حَصَلَ حُكْمٌ فِي دَرَارَ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ سَوَاءٌ حُكْمُ الْحَاكِمِ سَوَاءٌ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِحُكْمٍ فِي دَرَارَ أَوْ إِسْتِبَانَ أَنَّهُ دَرَارَ وَأَنَّهُ لَيْسَ مُوَافَقًا لِلصَّوَابِ فَالْبَاطِلُ مَحْدُورٌ لَا دَرَارَ وَلَا دِرَارَ وَإِنْسَانَ. طيب, donc il dit, pas de nuisance. Hein, pas de nuisance, et que celle-ci ne doit pas être appliquée. Par exemple, si jamais un juge venait apporter un jugement dont il en découlerait des nuisances, et qu'on voit que son jugement n'est pas conforme à la vérité, alors il ne doit pas être appliqué. C'est basant sur ce hadith. C'est basant sur ce hadith que ce jugement ne doit pas être appliqué. Mais le dorar, la nuisance, c'est ce qui est défini par la religion. Par exemple, demain, couper la main du voleur, si demain il s'ensuit, par exemple, des mauvaises suites par rapport à la blessure de sa main coupée, si jamais, on va dire que celui qui a appliqué la sentence a fait les choses de façon légiférée, il n'y a pas de blâme sur lui. C'est une chose que Allah aura quatre d'or sur ce voleur, que la main coupée lui causera des nuisances physiques par la suite, cela est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura décrété pour lui. Ça, c'est pas un dollar. Ou fouetter celui qui n'a pas connu le mariage et qui aura forniqué, cela n'est pas une nuisance contre lui. Cela est un châtiment, une punition. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété, c'est qu'il y a un bien pour lui et pour les autres. Donc attention, le dollar, c'est celui qui était décrété par la religion. Donc un jugement faux qui amène lui à des nuisances, alors il est refusé. D'accord ? Il ne peut être appliqué. أو أن إنسانا أراد أن يعلق امرأة يعلقها ولا يعشرها لا يجوز له ذلك. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Donc il dit, si une personne par exemple venait à suspendre sa femme, c'est-à-dire que ni la divorce et ni lui rend ses droits, hein, de conjointe qu'elle est entre deux. D'accord, qu'elle est entre deux choses, qu'elle est ni comme mariée ni comme divorcée, cela lui causera des nuisances, cela n'est pas permis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens, pour ceux qui font le serment de se priver de leur femme, hein, il y a cela un délai d'attente de 4 mois, et s'ils reviennent, c'est-à-dire de ce serment, celui-ci sera annulé. Et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Allah est certes pardonneur et miséricordieux. لا ضرر ولا ضرار لا يجوز أن يضرها ويعلقها وإن إنسانا منع تزويج مولاته. Donc il dit pas de nuisance et pas de dommage. Également, si une personne venait à interdire le mariage à une femme sous sa charge, par exemple un wali, un frère, un grand frère, un père, un grand père, venait empêcher sa fille de se marier. مثلا يقول يريد أن يرضي لها لا يجوز له ذلك. Hein, cela ne lui pas permis. Qui veut lui causer des problèmes, l'empêcher de se marier, ce qui lui amènerait des nuisances pour elle, cela n'est pas permis, et rendant ce hadith. فإن اشتجر فالقاضي ولي من لا ولي له. فإن غادر فالقاضي ولي من لا ولي له. طيب, تسبب في ضرر عليها. Donc il dit que si vraiment il y a conflit entre cette femme et ses walis, alors c'est le juge qui deviendra un wali pour elle. Si jamais son wali l'empêche de se marier pour des causes non légiférées, c'est le juge alors qui fera office de wali pour elle. Naam. Comme dit le hadith, Al-Qadi waliun liman la wali ala. Que le juge est un wali pour celle qui n'a pas de wali. Ou un insan ghab an mra'ati muddatan la yastati'u. La tastati'u sabr ba'da tilka al-muddati tatadarrar bis sabr falaha an tufariqahu. Min indi al-Qadi. إذا خشيت على نفسها الفساد والتضرر بالصبر فمنهم من حدد ذلك بأربع سنين ومنهم من قال ما تحصل الضرر جاز لها فراقه وهذا هو الصواب. Donc il dit exactement, si une femme si un mari venait à délaisser sa femme une longue période, il est absent d'elle une longue période, il la laisse seule et que cela lui cause des nuisances, alors elle a le droit de demander la séparation, d'aller voir le juge et demander la séparation, car le fait de rester seul peut lui causer des torts, hein, dans sa dunya, dans ses besoins à elle et dans sa religion. Donc elle a le droit d'aller voir le juge pour demander une séparation. Et certains, parmi les gens de science, ont émis une période de 4 ans. Et d'autres ont dit non. À partir du moment où les nuisances se produisent, alors elle a le droit de demander, quelle que soit la période. Et ça, c'est l'avis le plus authentique pour le chir. Donc il dit وهكذا في مسألة النجح في البيع لا ضرر ولا ضرار فإن الذي ينجح يحصل الضرار منه بحيث أنه يغرر فيزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها وسائر بيوع إلى غرار وسائر بيوع إلى ربا فيها ضرار لأن الربا أخذ مال الإنسان بغير حق قال تعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. Donc il dit également dans le najh. Le najh, c'est le fait, par exemple, tu veux acheter une chose, on en a déjà parlé, je crois. C'est qu'il y a une complicité entre le vendeur, hein, que le vendeur est un complice dans le marché, qui vient pour monter le prix près d'un client. Par exemple, toi, tu as vu une marchandise qui te plaît sur un étalage, une paire de chaussures, par exemple. Elle est à, on va dire, 10 euros. Elle t'intéresse. Là, t'es toi et le vendeur. Là, il y a un troisième individu qui vient et dit, moi, je suis prêt à l'acheter pour 12 euros. Toi, tu dis, toi, à la base, cette paire de chaussures t'intéresse. Donc, toi, comme tu veux la prendre, tu dis, ben, moi, je suis prêt à mettre 13 euros. Là, on ne parle pas d'enchère. C'est qu'à la base, il y a un prix et qu'elle est vendue à ce prix-là. Seulement quelqu'un est venu pour monter le prix pour voir l'acquérir en lui-même. Et lui, celui-là, là, il ne veut pas l'acheter. Tout ce qu'il veut, en fait, c'est faire monter le prix. Hein, c'est un complice du vendeur pour faire monter le prix afin que tu achètes la marchandise à prix excessif. C'est ça son but. Mais il ne veut pas acheter la chose. Donc ce n'est pas des enchères. Les enchères, c'est quoi? C'est une vente qui est mise là aux enchères, au plus offrant. Et ça, c'est permis. En islam, c'est permis. Cependant, là, ce n'est pas des enchères. Et également, toutes les ventes qui renferment une tromperie, qui sont basés sur la tromperie, toutes ces ventes-là rendent ce hadith. Et également, toutes les ventes basées sur du riba, sur de l'usure. Car le riba, c'est le fait de prendre l'argent des gens sans droit. Et là, dans le sens, il dit, tout ce que vous donnerez à usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui, hein, cela ne vous accroît pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela démontre tout ce que tu as fait comme riba, cela auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ne vaut rien. Mais pire que cela, cela t'amène à quoi? À sa malédiction. Et un grand châtiment. فهذا الحديث ينطبق على أحكام كثيرة من مسائل الفقهية وممكن تستدل بهذا في الصلاة من حيث إذا حصل من الإمام تطويل شديد وأصل الضرر للكبار وذوي الحاجة يخرج ويصلي ثم ينصرف بعد حاجته. Donc il dit, ce hadith s'applique sur beaucoup de règles même dans le fiqh. Par exemple, tu peux le prendre comme preuve pour, par exemple, un imam qui dans la salat allongerait trop la salat. Il fait une salade trop longue, avec la présence de personnes âgées ou de personnes qui ont des besoins à l'extérieur. Comme un travailleur, par exemple, il a une pause pour faire salade, lui il a une pause courte, ou ce genre de choses, il ne faut pas prendre son temps. Il faut faire une salade assez brève et courte. Et qu'à cause de ce rallongement de l'imam dans la salade, cela causerait que ces gens-là sortiraient de la salade. Donc ce hadith s'applique sur cet imam. Ce hadith s'applique sur cet imam qui n'a pas le droit de faire, d'agir de la sorte. وَتَسْتَدِلُّ بِهِ إِذَا كَانَ فِي مَرَضْ لِبَعْدِ الْأَعْضَائِهِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَ ذَلِكَ الْجَرْحِ يَتَيَمَّمْ قَالَ تَعَالَى وَمَا جَعَلَ لَكُمْ فِي دِينَ مِنْ حَرَجِ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِمْ. Donc également ce hadith peut être pris comme preuve pour une personne qui aurait des problèmes, par exemple qui aurait des blessures et qui ne peut pas faire le dos. Donc qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait tayammum. Ce hadith également est une preuve pour le tayammum. Par exemple, il est blessé à un endroit, et si l'eau atteint cet endroit-là, cela lui causera nuisance. Donc à partir de là, ce hadith est une preuve dans le sujet aussi. C'est un hadith qui englobe plein de sujets divers. Donc, comme le prouve la parole d'Allah dans le sens où il dit qu'Allah n'a mis aucune gêne en religion, hein, qui est celle de votre père Ibrahim. Donc la religion, elle est facile. Et que dès qu'une difficulté vient, il y a une facilité qui vient également. وقال تعالى طه ما انزلنا عليك القران تشقى. Donc il dit dans le sens Allah subhanahu wa ta'ala طه que nous n'avons pas descendre sur toi le Coran pour te le rendre dur, pénible, pour te compliquer l'existence. Non, bien au contraire. وكذا ان صبه كمل في راسه وهو محرم يحرق ويفدي كما امر النبي صلى الله عليه وسلم كعب ابن عجره بذلك ومرفوعا الحرج. ولو أن رجلا ممن يجمع صدقات لولي الأمر يأخذ من كل 20 من الغنم زكاة هذا لا يجوز له لأنه أخذ وضر بالفقير لأنه ما قد وجبت عليه الزكاة وهو يأخذ من ماله ما لا يوجب الله أو أخذ الكريمة من المال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ كرائم أموالهم لما فيهم ضرر على صاحب الماشية. Donc il dit également, par exemple, un pèlerin qui aurait par exemple des poux, ce qui lui causerait des démangeaisons, ce genre de choses, lui il a le droit de se raser la tête avant le temps convenu, qui est à la fin normalement du hadj. Donc lui s'il a mis un problème avec cela, il peut se raser la tête. C'est pas dans ce hadith. Également, celui qui à qui il aurait été confié la tâche de rassembler les zakat des gens, par exemple, et qu'il prendrait sur toute personne qui aurait 20 bêtes de son troupeau, il prendrait de la zakat. Lui n'a pas le droit d'agir de la sorte. Car cela serait une nuisance envers les pauvres. Et que la zakat, cette personne-là, n'aura pas été rendue obligatoire. Donc lui n'a pas le droit de venir et de l'imposer. Cela ne lui est pas permis. Et également celui qui prendrait les meilleures bêtes, ou les meilleures choses parmi les biens des pauvres, lors de la zakat. Par exemple, demain tu as un troupeau sur lequel tu as atteint Nissan. Faut que tu payes la zakat. Et lui vient dans ton troupeau et il prend les meilleures bêtes, celles que tu préfères, celles qui ont le plus de valeur à tes yeux. Il n'a pas le droit de faire cela, car cela causerait quoi? Nuisance par rapport à celui qui perd la zakat. Cela n'est pas permis. وَأَكَذَا السِّيَمْ رَجُلُونَ يَسْتَتِيَوْا السِّيَمْ بِهِمْ مَرَضْ السُّكَرْ أَوْ إِلْتِهَابْ الْكِلَى أَوْ بَعْدَ الْأَمْرَضَ الَّتِي لَا يَسْتَتِيَوْا الصَّوْمْ مَعَهَا وَيَقُولُ لَهُ وَيُقَلُ لَهُ لَا دَرَارْ وَلَا دِرَارْ فَيَجُزُ لَهُ أَنْ يُفْتِرْ. Donc également celui qui gèle, qui aurait une maladie, par exemple le diabète ou une infection au niveau des reins ou ainsi de suite, des choses de maladie, maladies qui l'empêcheraient de jeûner, lui il a le droit de rompre son jeûne. C'est basé sur ce hadith. فَيَجُزُ لَهُ أَنْ يُفْتِرْ وَرَجُلُ اخْتَلَفَ مَعَ زَوْجَتِهِ يُرِدُ أَنْ يُمْسِكَ وَلَدَهَا يُرِدُ أَنْ يُمْسِكَ وَلَدَهُ عَنْ أُمِّهِ ورجله حضانتها من أجل أن يغلبها منهي عن ذلك والولد يسيح وهو يعطيه أنيده يداره ما يجوز. قال تعالى ولا تدار والدة بولدها ولا مولود له بولده. Donc il dit par exemple un homme aurait une divergence avec sa femme, par exemple. Et il veut reprendre l'enfant sur elle. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il l'empêche d'allaiter. D'accord? Il l'empêche d'allaiter. Afin de quoi? De pouvoir avoir le dessus sur sa femme. Cela est interdit. Car l'enfant, il l'a entendu crier. Lui, il veut le lait maternel, le lait de sa mère. Et le père vient et lui donne du lait autre. Là, le chien dit Nido. Nido, ici, c'est du lait qui se vend ici, du lait en poudre. c'est la marque la plus connue, la plus répandue, ça s'appelle Nido, c'est la marque Nestlé. Donc il dit que ce père-là empêche l'enfant d'allaiter de prendre le lait de sa mère, et en échange de cela, il lui donne du Nido. Et l'enfant, c'est pas ça qu'il veut. L'enfant, lui, il veut le lait de sa mère, parce que c'est ce qui est de plus nutritif pour lui. Donc là, cela lui causerait des nuisances. Et cela n'est pas permis. Donc il dit également, si jamais c'est une esclave que l'on vend, il n'est pas permis de la séparer de son enfant. Demain, tu vois une esclave, elle a un enfant, il n'est pas permis de diviser, de séparer entre elle et son enfant. وهذه المسألة المتقدمة مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. Ce sujet qui est précédé par rapport à ce père qui voudrait reprendre l'enfant sur sa mère et l'empêcher d'allaiter, cela s'oppose également aux preuves lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à la femme, tu es plus en droit de l'enfant tant que tu ne te remaries pas. Tu es plus en droit de l'enfant tant que tu ne te remaries pas. C'est-à-dire la mère, à la base, lorsque l'enfant est en bas âge, est plus en droit de récupérer l'enfant. Mais si elle se marie, alors c'est le père qui peut la récupérer. Qui peut le récupérer. Hatta wa in farakaha zawjuha wa indaha waladun la yumayyiz fa ya ahaqqu bihi la darara wa la dirara. Amma in kana mumayyizan fa yukhayyiru bayna abihi wa ummihi. Lima sabata fi dhalika min hadith Abi Huraira anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam khayyara ghulaman bayna abihi wa ummihi. Donc il dit par exemple, donc si jamais l'homme venait à de divorcer de sa femme, d'accord, et qu'il y a un enfant entre les deux. Alors à la base, tant que l'enfant n'est pas encore en âge de discernement, de distinction, c'est la mère qui est plus en droit de le garder avec elle. Et ce hadith est une preuve. La darar wa dirar. Par contre, si jamais il a un peu grandi, qu'il est en âge de distinguer, de choisir, alors là, c'est lui qui a le choix. On le fait choisir. Est-ce que tu veux ton père ou ta mère? Comme cela a été affirmé dans un hadith rapporté par Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez, elle fait choisir un enfant entre le père et la mère. C'est l'enfant qui choisit. Mais à la base, c'est la mère qui a plus son droit. Tant qu'elle est pieuse, sur la droiture, ainsi de suite, et en mesure de pouvoir éduquer son enfant, c'est elle qui garde l'enfant. Mais si demain elle se remarie, alors là, le père est en son droit de récupérer l'enfant. Pourquoi? Car la femme, à la base, dans le mariage, son rôle est de servir le mari. Donc si elle met un enfant, cela lui compliquerait la tâche, et l'empêcherait de pouvoir s'occuper de son mari pleinement. Donc là, l'enfant revient au père. À part si le père de lui-même délaisse l'enfant pour sa mère, il n'y a pas de mal. Mais si le père le réclame l'enfant, et qu'il lui-même en mesure de s'occuper de lui, alors c'est le père qui doit le récupérer. Après, lorsque l'histoire de Hijra ou pas Hijra, ça c'est encore un autre sujet. Qui est plus en droit de le prendre ou quoi? Cela revient à des masailles qui reviennent au fatawa des savants. Certaines ont déjà été mises sur le site, walhamdulillah. Donc l'enfant, arrivé à l'âge de discernement, c'est lui qui choisit. Est-ce qu'il veut aller avec son père ou aller avec sa mère? Maman. Donc de là, s'achève ces hadiths, ces trois hadiths. On a été un peu long, on s'excuse. Et voilà. Fanasallallah, anfa'ana bima kulna. Wa nakul bihadha al-qadr naktafi. Walhamdulillah rabbil alamin.